Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en escalade pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, voyage transclasse, histoire de ceux qui ont quitté leur milieu d'origine. Une série documentaire de Leïla Djitli, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a la honte et la fierté, et la honte de la honte. Il y a le désir de revanche et le sentiment d'imposture. Et puis il y a ceux qu'on pousse rarement à se projeter dans les grandes écoles, parmi les enfants de bourgeois qui font du piano, de ceux à qui on reprochera, plus tard, leur ambition en les traitant de parvenus. Alors pour commencer, les personnages. Une jeune fille extra-lucide, un jeune homme qui se donne sa chance, un prof qui ouvre des portes, des filles de maçons ou de paysans, des parents qui poussent ou qui freinent, et une première de la classe. Ensuite, le décor. Madagascar, la Nouvelle-Calédonie, des salles de classe, la rue Saint-Guillaume à Paris, des oraux, du trac, des portes qu'on force, la Seine-Saint-Denis et des cours de diction. Aujourd'hui, troisième épisode, on retourne à l'école. J'ai 17 ans, je suis en terminale ES, je fréquente l'atelier Sciences Po depuis le début de l'année. C'est une sorte de discrimination positive parce que les élèves des autres lycées n'ont pas forcément le droit à ce dispositif. Et donc, par exemple, en lycée, pour les lycées parisiens, c'est des concours beaucoup plus compliqués et enfin, qui requièrent un autre, d'autres compétences. Si on réussit à y accéder en venant d'un lycée de ZEP, ça nous permettrait d'accéder aux élites plus tard, à faire partie de cette élite justement. Entrer dans l'élite ou comment passer les frontières sociales. Avant, j'étais vraiment pas une personne qui aimait les études. Et il y a eu ce projet en début d'année. Et je m'y suis approché, je voulais savoir ce que c'était. Avant, j'étais pas... Pour moi, l'école, c'était pas vraiment ce à quoi je devais m'accrocher. Sauf que le voyage, ça m'a permis en fait d'ouvrir les yeux. Déjà à Saint-Denis, de voir le monde extérieur. Et pas d'aller dans mon pays de l'origine de mes parents, à Tunisie ou autre. Là, j'ai vraiment connu en fait un des pays les plus pauvres du monde. On est parti à Madagascar, je l'ai vraiment vécu de l'intérieur. Donc c'est là en fait où j'ai compris la chance que j'ai de vivre en France. J'ai changé en fait du tout au tout, j'ai compris que l'école c'était important. Je me suis accroché à mes études, j'ai eu mon bac. Ensuite, je me suis encore accroché, j'ai une bilicence en droit et en éco. Là, je suis sur ma lancée. Et c'est grâce à ce que m'a procuré ce voyage. Alors que les inégalités culturelles et sociales se creusent à l'école, en Seine-Saint-Denis, des professeurs s'engagent à réduire l'écart qui sépare leurs élèves de lycées classés ZEP des élites. Grâce à deux projets pédagogiques très différents. L'un au lycée Paul-Éloire de Saint-Denis, avec Jean-Pierre Aurière, professeur d'histoire-géographie, qui emmène ses élèves en voyage à l'autre bout du monde, comme pour créer un choc. L'autre, c'est à Drancy, au lycée Eugène de la Croix. J'arrive, oui, j'arrive tout de suite. Moi aussi, je passe à la télé. Sciences Po, c'est pas pour nous, madame. Pourquoi? C'est trop dur. Non, moi, je vise la Sorbonne l'année prochaine. Allez, toi, ta Sorbonne, ta tête, c'est une Sorbonne. En fait, je cherche une classe dans laquelle Fabrice Morel, professeur d'économie, organise les séances de travail pour préparer les élèves à passer le fameux examen de Sciences Po dédié aux candidats des lycées en zone d'éducation prioritaire. Allez, on va commencer de toute façon. Viens t'asseoir, hein, Marco, si tu veux. Anaïs arrive aussi ou pas, tu sais? Ah, ok. Donc, tout le monde a reçu l'email que j'avais envoyé avec à la fois le lien vers l'article complet de Libération. sur le passage de la frontière sociale. On va, dans un premier temps, donner la parole à Philippe afin qu'il puisse témoigner de son expérience des oraux à Sciences Po et enfin de parler de l'accent social avec Maria. Voilà. Bah, Philippe veut... Bon, ça fait, je crois, ça fait 3 ans que je viens, hein, à Drancy. Et l'année dernière, j'ai eu la possibilité, l'opportunité d'être dans un des jurys à Sciences Po. Hein, vous avez 20 minutes. Qu'est-ce qui est important pour les 3 personnes que vous avez en face de vous, qui sont des profs ou des administratifs de Sciences Po ou des personnalités extérieures? Ils n'ont pas vos âges, ils n'ont pas votre, en général votre origine sociale. Bref, ils ne vous connaissent pas, ils vont parler avec vous. Et ce qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est qu'ils ont envie que vous veniez. On ne va pas vous juger sur vos capacités scolaires. Ils vont avoir regardé votre bulletin. C'est vrai qu'il y a des notes qui, si elles sont trop basses, pèsent. Mais ce n'est pas du tout l'essentiel. L'essentiel pour eux, ça va être de voir votre personnalité. Donc il faut bien se mettre dans la tête que, un, ils ont envie de vous prendre, si j'ose dire, parce qu'ils sont là et d'abord ils consacrent du temps à ces jurys, et ils ont à l'évidence une envie de faire avancer les choses, les gens qui sont là. Ils jugent votre personnalité et votre envie de rentrer à Sciences Po. Ça veut dire qu'il faut être assez enthousiaste. Et il faut être vraiment souriant. Il faut penser que vous allez être pris en stop, si j'ose dire. Vous êtes au bord de la route, vous faites du stop. Habillez-vous absolument comme vous voulez. Ils n'en ont rien à foutre. Soyez détendu, ne vous embêtez pas à essayer de singer qui que ce soit. Allez-y. Et vous en avez les uns et les autres de la tchatch, du savoir-parler, du causer, du allez-y. Voilà. Tout peut les intéresser, le fait que vous ayez déjà fait travailler, le fait que vous connaissiez d'autres pays, vos origines ou pas, le fait que vous soyez curieux. Ayez en tête que vous êtes important pour eux, parce que vous pouvez être un élève de Sciences Po, ou quelqu'un qui va faire avancer les choses à Sciences Po, et après, ils cherchent quelque chose de précieux, et vous êtes précieux, mettez-vous bien ça dans la tête. Il faut bousculer la porte, bon... C'est pas interdit d'avoir un désir d'affirmation et se foutre de cette barrière sociale. Il faut la bousculer, oui, il faut la bousculer. Il faut la faire exploser, oui, il faut la faire exploser. Allez-y, bousculez. J'ai toujours eu envie de, pas de m'élever socialement, plus particulièrement un peu quand même. Il y a cette idée de notoriété de cette école. Mais c'est vraiment pour essayer de m'ouvrir à un monde un peu plus riche, avec d'autres habitudes. Je sais que ça sera un défi avec les barrières sociales, parce que moi, on ne m'accompagnera pas en voiture avec des vitres teintées noires. et on n'a pas les mêmes niveaux sociaux. Je suis une fille d'ouvrier, donc ce ne sera pas la même chose, ça sera enrichissant pour moi. Et plus particulièrement, à Sciences Po, j'aimerais étudier les relations internationales. Comment mettre sur un pied d'égalité tous les pays et leurs ressources. Ça serait pour moi vraiment le but de ma vie, en fait. Vous êtes fille d'ouvrier, donc vous pensiez que c'était pas vraiment votre place de faire cette école? Justement, j'avais envie d'enlever cette idée dans l'esprit des classes sociales qui peut-être méprisent les classes sociales ouvrières. J'avais envie de montrer qu'on peut réussir. Même en venant d'ici, c'est vraiment stéréotypé. Mais c'est ça, en fait, qu'on peut travailler et qu'on peut se libérer de cette image qu'on a de nous. Bon, bah, affaire à suivre avec vous. On sera là le jour J, hein, vous serez là, d'accord. Là, on est à 2 pas de la basilique de Saint-Denis, au cœur de Saint-Denis, au cinéma L'Écran, où j'amène souvent mes élèves aussi au cinéma. Et ce soir, donc, c'est une soirée particulière, puisqu'on va projeter donc, le 2e film hein, des voyages que je fais avec mes élèves. 2e film donc, qui va se dérouler en Nouvelle-Calédonie, et dont le titre est L'Origine. Vous faites voyager vos élèves. Et ça, c'est quand même un travail important que vous faites depuis 10 ans. Ça fait 10 ans, effectivement. En fait, l'idée, elle est venue aussi d'un drame. Parce qu'en 2005, quand la banlieue s'est embrasée un petit peu, et que j'ai vu, moi, derrière les grilles de mon lycée, des jeunes, alors mes élèves ou pas, je ne sais pas, mais enfin, des jeunes qui retournaient les voitures, qui les brûlaient, qui lançaient des pierres dans la cour du lycée. Je me suis dit, là, il y a un truc qui n'est pas normal. Il se passe quelque chose, là, et ça faisait déjà 15 ans que j'étais au lycée, 15-16 ans. Je me suis dit, là, il faut quand même... Ton métier ne suffit pas de faire que prof comme ça. Et alors, je me suis dit, voilà, là, la société, elle est en train de se briser en morceaux. Et la banlieue d'un côté, le reste de l'autre. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer de tirer ces élèves de leur milieu de la banlieue, d'aller à l'étranger pour pouvoir mieux discuter déjà des notions d'identité, sans qu'ils aient le poids de leur dire « vous n'êtes pas des Français, vous êtes ceci ou cela ». On va partir dans des pays qui eux-mêmes ont connu des guerres ou des guerres civiles, et voir comment ces pays-là ont réussi à vivre ensemble. C'était le maître mot, il y a 10 ans, « vivre ensemble ». Et le premier, c'était un voyage emblématique, puisqu'on est parti en Irlande. Irlande du Nord, catholique, protestant. Et voilà, on a rencontré des leaders catholiques, des leaders protestants, le prix Nobel de la paix, pour voir comment ces gens qui se haïssaient pendant 20 ans, qui se sont tués, entretués, ont pu surmonter alors, des choses absolument terribles pour finalement se dire qu'il n'y avait que la tolérance, il n'y avait pas 50 solutions. Et bien ça a dépassé toutes mes espérances, parce que bon, on est au 10e voyage. On est allé en Afrique du Sud pour travailler donc sur l'apartheid, où là aussi, il y a des réalités sociales extrêmement dures, et en même temps, dans leur tête, ils ont pris la mesure du monde, je crois. Après, ça a été Madagascar, ça a été le Brésil. Et quand on a fait le premier film, on est parti à Madagascar. Et alors là, ils ont vu la misère qui leur a sauté aux yeux. Alors, vous savez, ils avaient leurs écouteurs, comme ça, leurs casquettes, un silence. Mais je crois que dans leurs yeux, il y a tout d'un coup toute la vie qui arrive là. Mais qu'est-ce que c'est là, mais où est-ce qu'il nous a amenés? C'est pas possible. Et ce voyage-là a été un des voyages les plus marquants, au point de vue humain. On a vu des jeunes filles de 16 ans nous tendre leur enfant en disant « prenez-le, je vous le donne, parce que voilà, il aura une meilleure éducation en Europe ». Mes élèves filles de 16 ans, ça parle des choses comme ça, c'est terrible. Et puis nous, on arrive et on râle parce que notre téléphone, il va pas assez vite. Ça remet les pendules à l'heure. Mais après, ce qu'il y a de bien dans ces voyages, c'est qu'on les voit comme des Français, tous. Voilà, c'est tous des Français, là. Et enfin, ils peuvent se dire « ben oui, on vient de France, donc on est des Français ». Et ça, pour moi, c'est une victoire. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Hein. La misère, ben, on la voit et on touche du doigt ce que c'est. Hein. L'arbitraire, on le voit, on touche du doigt ce que c'est. Et, une femme mexicaine qui pleure devant nous parce qu'elle a été refoulée pour la 7e fois. Elle n'a pas pu passer aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, elle a ses enfants qui sont américains et dont elle est séparée. Bien ça, on a beau en parler, mais quand on ne le voit pas, on ne comprend pas ce que c'est. Hein. Sur le désert mexicain, on était avec une association... Hein. On a mené des bidons d'eau dans le désert, donc ça on était du côté américain, il y avait un grand drapeau pour les migrants. Quand ils traversaient le désert, ils savaient que de loin, il y avait un ravitaillement d'eau là. Donc on avait acheté des bidons d'eau, et au moment où on est arrivé à ce drapeau, il y avait d'autres bidons que d'autres associations avaient déjà mis, qui avaient été vidés, volontairement vidés, parce qu'on appelle des minutemen, c'est-à-dire des bons américains, ceux-là. Et ils avaient vidé ces bidons, et sur un carton, ils avaient marqué « Died fucking Mexican ». Voilà, moi j'ai besoin de rien dire là. Les élèves, là, il y a un grand silence et là, ils ont compris que le monde était quand même injuste. Je vais dire un truc un peu comme ça pour vous taquiner, mais c'est un peu vache quand même de les amener dans des endroits de misère ou de désespoir. Vous êtes un peu vache avec vos élèves. Alors, pas complètement, parce qu'en fait, c'est dur et tout ça, mais on sait qu'au bout du voyage, on a 2 jours, voire 3, où c'est vacances. Et là, on ne fait rien. Mais alors, c'est vrai que quand on part, ce n'est pas des vacances. Parce que souvent, des esprits malveillants disent « Ah ben là, tu t'as réussi à te faire payer par des entreprises des vacances, tu t'en vas en vacances. » Bon, et puis ça crée aussi des liens, voilà, on a le temps de discuter entre nous. Et puis voilà, il y a quelques-uns de mes élèves. Là, ça, c'est le groupe des Chiliens. Ils sont partis chez les Mapuche il y a 2 ans. Ils sont en terminale, ils sont partis l'année dernière avec moi. Qu'est-ce que ça a changé, ce grand voyage? En fait, ça nous apporte tout le temps. Et pour tout. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, j'avais mon oral d'anglais. Et c'était sur lieu et forme de pouvoir. Et c'est la première chose dont j'ai parlé. Et la dictature Pinochet, parce que c'était l'une des thématiques du voyage. Parce qu'il faut savoir que quand on part en voyage comme ça, c'est pas pour faire du tourisme. Tous les jours, on rencontre des gens importants, différents. Et en fait, ça nous apporte partout. Même quand, par exemple, on a des entretiens post-bac ou ce genre de choses. En fait, dès qu'on en parle, les gens sont directement intéressés et on marque un peu plus les esprits que même pour les entretiens d'embauche, tout ça. Moi, j'ai fait un entretien d'embauche il n'y a pas longtemps pour cet été. Et elle a vu ça dans mon CV, posé plein de questions. Moi, personnellement, ça m'a donné envie de découvrir autre chose que la Seine-Saint-Denis ou que la France en général. Intimidant, même des profs devant nous qui ont fait autant d'études, qui connaissent autant de choses. Mais d'un autre côté, c'est excitant parce qu'on va pouvoir se présenter, on va pouvoir argumenter sur notre personnalité. Et on a toujours cette envie, enfin, du moins moi, j'ai toujours cette envie parce qu'on a en quelque sorte une envie de passer cette frontière sociale, de passer d'un lycée du 93. À une université, à la rue Saint-Guillaume. Enfin, dans une logique d'ouverture d'esprit, ça serait une victoire de passer de notre zone de confort, qui est ici, le lycée du 93 ou de Drancy, à vraiment une école où on peut s'ouvrir, où il y a différentes origines, différentes cultures. Ouais, ce serait plus une victoire. Alors, moi, je travaille sur les enjeux sociaux liés à la prononciation. Mais vous, quand vous allez préparer l'oral à Sciences Po, vous allez être en question-réponse sur des sujets non préparés. Leur but, c'est de vous déstabiliser. Donc, vous n'allez pas faire attention à votre prononciation, ça, c'est sûr. Donc, ça se prépare un petit peu avant. En fait, vous n'allez pas changer votre façon de parler. Enfin, surtout pas. Je vous conseille surtout pas de faire ça parce que vous allez déstabiliser, intimider et penser à autre chose qui va vous polluer la tête. Ce que je vous suggère, c'est pour ça que je vous demande de vous filmer et de vous regarder, c'est que vous soyez à l'aise avec votre personnage, le personnage que vous présentez à Sciences Po. On a tous plusieurs personnages. Donc, vous allez vous créer un personnage. Par contre, vous allez voir des gens qui ne vous connaissent pas et qui ont des attentes. Et leurs attentes sont stéréotypées. Vous aussi, vous avez des stéréotypes. Les stéréotypes sont des routines de pensée. Ça nous aide aussi parce qu'on gagne du temps. Donc ça s'applique à tout et ça s'applique aussi au profil lycéen de ZEP. Et ils vont appliquer ces stéréotypes avant même de vous voir. Donc ils vont avoir des attentes. Et en fait, ce qui est commun à tout le monde, c'est que vous produisez une première impression au bout de 10 secondes. Je n'exagère pas. La première impression, 10 secondes. Et je voulais vous faire réfléchir à cette première impression. Donc là, je vais vous faire écouter deux trucs. Alors, je vous fais écouter un extrait d'un élève d'ici. Bah, mon sujet, c'est la position chinoise à Copenhague. Et à l'écrit, vu que je suis en S, j'ai moins d'heures, j'ai moins de matière littéraire que, par exemple, dans une filière littéraire. Voilà. J'ai fait écouter cet extrait à des gens pour travailler sur leur première impression. Ils avaient des questions de type comment vous imaginez cet élève, son niveau scolaire, son profil, etc. Et ils imaginaient, j'avais rien dit, hein, j'ai juste fait écouter ça, et ils imaginaient quelqu'un des quartiers, quelqu'un qui porte une casquette et des bijoux, qui est d'origine populaire, qui est probablement maghrébin ou issu de l'immigration, en tout cas de la cité, etc. Voilà ce qui sortait sur, vous avez entendu, 10 secondes. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui s'est présenté à Sciences Po, qui était admissible, qui n'a pas été admis, qui était en fait un très bon élève. Et je vous fais écouter un autre extrait d'un autre élève, toujours candidat d'ici. Mais je pense qu'aujourd'hui tout contribue à l'individualisme, que ce soit la télé, le portable ou Internet. C'est des choses bon, qui peuvent être utiles à la fois, mais je pense qu'on ne peut pas y échapper. Voilà. Alors là, les gens entendaient quelqu'un de pas sympathique. Futur costard cravate, narcissique, énervant, irritant, extrême droite avec des carences affectives, les gens vous sont extraordinaires, pas sympathiques, mais les gens disaient il est hyper sérieux, hyper intelligent, il est sûrement d'un milieu social aisé, etc. Et il a sûrement un niveau scolaire très bon. Alors il se trouve que cet élève avait un niveau scolaire passable, il a eu le bac avec 10 si je ne me trompe. Et il a été admis à Sciences Po. Donc en fait, on se rend compte, rien qu'avec ces deux extraits, que les gens parlent d'accent uniquement pour stigmatiser quelque chose. Donc en français, c'est comme ça. On parle de pas d'accent là où l'accent, c'est celui du pouvoir. Et on va dire qu'il y a un accent là où on veut en fait stigmatiser. Et par contre, pour les accents du pouvoir, les accents qui sont légitimes, les gens vont parler de style, alors que c'est toujours des accents. D'accord. Donc, on ne va pas utiliser les mêmes catégories. Je vous donne un autre exemple. Je vais vous faire écouter une imitation, plutôt. Une imitation d'un acteur, Fabrice Luchini, vous connaissez ? Il imite l'accent populaire. Vous allez voir comment il fait. On n'a même pas envie de dire Alceste Filane parce que les gens se disent « Oh là là, c'est du classique, c'est du Molière, je te nique. » Ils ont pas tort. Vous avez entendu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il ferme ses voyelles, il dit « Oh là là ». Molière, du classique, du Molière, il ferme les voyelles. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin ? Je te nique. Je te nique. Pourquoi il rajoute « je te nique » ? Là, c'est vraiment immédiatement rajouter du vulgaire. Donc populaire égale vulgaire. Alors que, en fait, on a compris qu'il voulait imiter cet accent-là. On a compris avec sa mélodie, mais il rajoute « je te nique ». Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est ce qui va ressortir de toutes les enquêtes, en fait. C'est populaire, banlieue, vulgaire. Il faut se dire qu'il y a des stéréotypes qui se promènent et avec lesquels vous êtes en permanence un peu confrontés malgré tout. Et en fait, votre jury connaît Luchini, quoi. Et ça les fait rire. Alors, peut-être pas tous, il y en a qui sont là pour participer à un projet anti-discrimination, c'est un projet politique. Mais c'est utile de savoir que vous vivez dans une société qui rit avec ce genre de blagues, en fait. Voilà. Allez, merci à tous et bonne soirée. Donc ça a commencé, on y va. On rentre dans la salle de projection pour voir le film sur la Nouvelle-Calédonie du voyage avec Jean-Pierre Aurière et sa classe. Parfois, on a du mal à se sentir français. On ne sait pas trop ce qu'on est, donc on se rattache aux origines de nos parents. Les gens autour ne nous font pas sentir qu'on est français. Ils nous font sentir qu'on est français, mais par contre, qu'on est d'une autre origine, mais qu'on est français aussi. Du coup, on n'a plus à savoir ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est dans le monde dans lequel on vit, un monde qui est ouvert, qui est à portée de main, de toute façon. Qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on va devenir ? Et le voyage, c'est le retirer de sa boîte et lui donner toutes les possibilités de devenir quelqu'un de politique. Je pense qu'il y a vraiment un lien avec ce qu'on ressent parce que... Comment vous avez trouvé le film alors ? La première fois que vous voyez le film ? Ouais, c'est la première fois que je l'ai vu. Je suis hyper contente, mais c'est vrai qu'on est parti 17 jours. Et se dire que c'est résumé en 1h15, c'est sûr que... Surtout que c'est très compliqué. La Nouvelle-Calédonie, c'est très complexe. Ce qui est assez complexe, c'est, comme on l'a vu, c'est un peu l'identité. Parce que le peuple primitif de Nouvelle-Calédonie, ce sont les Kanaks. Il y a eu plein de bagnards, donc il y a eu tout un mélange. Puis après, il y a les Caldoches. Donc les Caldoches, ce sont les descendants de ces bagnards, donc ils sont blancs. Après, il y a les Kanaks qui sont plutôt noirs. Mais après, il y a plein de métissages. Est-ce que justement, cette question d'identité, quand on vit en Seine-Saint-Denis, ça a une résonance avec la Nouvelle-Calédonie ? Oui. En France, mais surtout à Saint-Denis, parce que nous, on y vit, donc c'est ce qu'on connaît. Souvent, on va dire, oui, on est tous français, mais on est d'origine ceci ou cela. Et donc là-bas, de voir, comme le disait Rivaldo, un élève kanak, calédonien, français, lui aussi ne savait pas vraiment comment se définir. Est-ce qu'il est kanak, calédonien, français ? Et donc, c'est un peu comme nous. Il y en a plein qui vont d'abord dire, je suis d'origine telle ou une autre, avant de dire qu'on est français. Et donc, je pense que ce voyage, ça permet vraiment de montrer qu'on est tous français, mais avec nos différences. Et bien sûr, quand tu dis « je viens de Saint-Denis »,« ah bon, mais ça va, c'est pas trop chaud », ben non, enfin, bien sûr, ça peut être compliqué parfois, et je vais pas dire le contraire, mais c'est comme dans d'autres endroits, et je trouve que M. Rien, justement, il essaie un peu de casser cette image-là en nous donnant plein de possibilités. Je crois que la transmission... C'est quelque chose, la transmission de la connaissance, c'est quelque chose qui est extrêmement noble et beau. Et alors, moi, je crois que j'en ai été profondément marqué de ça, en fonction de tout ce que j'ai vu quand j'étais petit. Et donc, par conséquent, quand j'ai été à même de transmettre, je me suis dit, finalement, ce métier-là, il est fait pour moi. Et moi, si je réussis dans ce métier-là, si j'ai des élèves qui, certains, je les ai eus il y a déjà 25 ans, et qui sont toujours proches de moi et qui m'appellent souvent, c'est que quelque part, j'ai dû leur transmettre une part de moi. Et je crois que c'est ça, le fait d'avoir créé ce que j'appelle les sessions de la réussite, de lier des mondes qui ne se rencontrent jamais. C'est ça, le sens, j'allais dire pompeusement, le sens de ma vie. C'est ce que je fais chaque jour. Jamais, de toutes mes années d'enseignement, je n'ai eu un seul moment de réticence à aller travailler. Jean-Pierre, vous avez grandi dans un petit village de l'Aveyron, loin de la banlieue parisienne, et pourtant vous vous sentez proche socialement de vos élèves. Ah oui, alors là, c'est la province. Moi, je suis né en 1959 dans un petit village de l'Aveyron. Un village où, j'allais dire, je le dis à mes élèves, je dis voilà, où le temps était immobile, où c'était bien agréable finalement de vivre entre soi, parce qu'on savait qu'on était le fils d'eux. Et puis voilà, j'ai le souvenir encore vague, parce qu'en 67, donc j'avais 7 ans et demi, de voir mon père revenir du carreau de la mine, le soir, donc avec sa lampe de mineur, son casque et son visage tout noir. Donc voilà, c'était aussi un exemple pour moi, parce qu'il m'a toujours dit que l'école, c'était le seul moyen d'évoluer, de s'en sortir. Alors, pour moi, ça me parle d'autant plus que les élèves que j'ai, finalement, alors c'est pas des fils de mineurs, hein, mais pour eux, la problématique est la même. C'est où c'est l'école, où il n'y a rien. Et si j'ai choisi ce métier aussi, c'est parce que, voilà, c'est toute l'histoire qui m'a fabriqué, qui a fait de moi peut-être aussi un passeur. C'est aussi une histoire personnelle. Mon père aurait aimé faire des études qu'il n'a pas fait. Et donc, je pense que cette volonté qu'il avait, que ses enfants en fassent, parce que lui ne l'a pas fait, je crois que tous ses efforts, et j'allais les sacrifices qu'ils ont pu faire, c'était pour au moins que je puisse faire des études et qu'ensuite, eh bien, j'en fasse quelque chose. Et j'ai compris très tôt qu'il fallait que je réussisse. Parce que c'était ou ça ou la mine, entre guillemets, c'était ou ça ou rien. Et moi, je me souviens, alors, quand j'ai eu mon bac, mon père était très content, bien sûr. Il m'a dit, oh, il faut absolument qu'on le mette sur le journal pour le bac. Et voilà, et alors après, bien sûr, quand j'ai réussi le concours Sciences Po, c'était, on ne comprenait pas trop ce que c'était, mais il savait que c'était quand même une grande école et que c'était bien. J'ai été reçu au concours. Alors là, c'est pareil, j'ai revécu un peu, d'une certaine façon, une forme de violence sociale, avec un milieu social qui était déjà d'un autre niveau à Sciences Po, parce qu'il y avait des fils d'ambassadeurs, d'avocats. Quand là, on a des camarades qui partent en vacances, alors à l'étranger, pour le coup, qui vont au sport d'hiver, qui ont des soirées où ils racontent ceci ou cela, et qui boivent de ceci et cela, et que moi, j'avais, bon, rien à raconter. Et donc, qu'est-ce que je voulais. Et donc, moi, eh bien, la seule chose, c'est, je me suis dit, ben, raccroche-toi aussi aux études. Parce que et puis, je ne savais pas comment aborder ce monde-là, dans lequel, peu à peu, à mon insu, j'allais rentrer, finalement. C'est-à-dire que là, c'est passé quelque chose d'assez pénible, quand on a 18-19 ans, c'est qu'on quitte le milieu, alors complètement là, de mes parents, pour aller dans le milieu universitaire, et donc par conséquent, avec d'autres centres d'intérêt, d'autres personnes, qui vont vous faire comprendre, finalement, que quand j'étais avec mes parents, ben, ils ont tout faux. Parce que voilà, regarder des variétés à la télé, non, c'est n'importe quoi, finalement. Et donc, après, quand j'allais en week-end chez mes parents, et mes parents avaient l'impression que, de cette façon, je les mettais un petit peu à part. Mais il faut que je le dise, peut-être un peu, j'ai eu un petit peu un rejet de mes parents, effectivement. Mais là, déjà, je l'ai vu qu'en pension, je me souviens très bien, quand il y avait les rencontres des parents, des professeurs, mes parents ne venaient pas. Parce que peut-être c'était trop loin, 40 km, parce que c'était compliqué. Et donc, moi, je me retrouvais tout seul, dans la cour, là, je me souviens, avec mes camarades qui avaient leurs parents. Et à un moment, je suis à me dire, bon, finalement, c'est mieux qu'ils viennent pas, j'ai pas envie de les montrer. C'est horrible de dire ça, j'avais peur qu'ils aient pas les codes, tout ça. Et puis, bon, il y a des petites choses comme ça, je me souviens. Ma mère avait un problème de dents, et je me souviens, elle ne pouvait pas faire soigner ses dents, parce que ça coûte cher. Et donc, moi, j'ai longtemps vu ma mère avec des dents qui étaient très abîmées, mais je préférais pas le montrer à d'autres. Voilà, et donc c'est des petites choses comme ça qui font qu'on a des... C'est pas des humiliations, mais franchement, c'est quand même pas facile à vivre. Alors on le dit pas aux autres, on vit avec soi. Voilà, donc ça aide pas à avoir de la confiance en soi. Tout ça, il a fallu que je le gère, et chaque fois que je me suis forcé, parce qu'il faut toujours se forcer pour faire des choses, ben voilà, ça a fonctionné. Vous allez passer à tour de rôle, on va en prendre trois d'abord, on va vous filmer et ensuite on va regarder ensemble les films, les brefs films qui vont sortir. Donc Kenza vient de découvrir une image à l'instant qu'elle ne connaissait pas, elle ne s'attend à aucun sujet et elle va faire cet exercice qu'elle peut avoir durant l'oral de Sciences Po. Il y a plusieurs types. Tu me dis quand tu commences ? Je commence. Ce document est une photographie. On peut y voir le président François Hollande, le président français François Hollande. Il est dans un cimetière. On voit plus particulièrement en avant-plan sur la pierre tombale Fillon-Marcel. Ça peut avoir un lien avec, avec François Fillon, je sais. On va faire un débrief à la fin, d'accord? Donc qui passe en second? On va réécouter chaque présentation, comme on a dit. On fait un tour de table assez rapide. Enfin, je fais un retour rapide et vous aussi. On va lancer d'abord donc Kenza, c'est ça? Kenza, ton commentaire. Il n'y a pas de contenu. Sérieusement. Par rapport à la méthode, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour rebondir? Parce que là, c'est une situation typique dont on a parlé, tu tombes sur une photo qui ne te dit pas grand-chose, à vrai dire. J'aurais pu rebondir sur le fait que ce soit une commémoration, j'aurais pu parler de la Première Guerre mondiale, de l'enjeu des mémoires, de l'historien face aux mémoires. Il faut vraiment chercher l'attention des gens qui vous écoutent, les garder avec vous. Alors du coup, si l'image ne vous dit rien, vous rebondissez tout de suite, autre chose, quelque chose, enfin... Surtout pas, je sais pas. Surtout pas ces marques d'abandon, ah, je sais pas, j'en peux plus. Au secours, pitié, non. Donc, Pauline, tu es une ancienne élève du lycée de la Croix de Drancy et tu as passé ici l'examen de Sciences Po il y a 2 ans et avec succès. Ça fait bizarre de venir ici 2 ans après. Et je pensais vraiment avoir foiré. Il s'avère que non. Moi, je suis là, donc il s'avère que non. Donc je suis très contente d'être ici. À l'oral d'admission, j'étais un peu pas perdue parce que j'avais quand même préparé mon oral. Mais c'était des questions auxquelles je m'y attendais pas forcément. C'était des questions quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Et pour moi, c'est difficile d'avancer justement des qualités alors que je me considère en fait comme une fille ordinaire. J'ai jamais fait de trucs extraordinaires. Donc par exemple, à Sciences Po, ceux qui ont été admis en fait par le concours de Paris, on fait du piano par exemple, on fait beaucoup de sport. Et moi, j'ai jamais rien fait de tout ça en fait. J'ai pas vraiment de culture musicale classique, on va dire. Et donc par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui pratiquent du piano. Et moi, je me sens complètement perdue dans ça. Je me dis, mais je connais pas tout ça en fait. Et je me suis dit, bah peut-être que je ne devrais pas être à Sciences Po à ce moment-là parce que je n'ai pas la même culture que vous, je ne connais pas les mêmes choses. Et donc, je me suis un peu dévalorisée sur ce côté-là. Et donc, je me suis un peu sentie en décalage par rapport à ça. C'est-à-dire que ma famille, en fait, c'est plutôt une famille de paysans. Mes grands-parents étaient paysans. Et donc, mon père a commencé de rien. Il a arrêté à 13 ans l'école, ma mère à 16 ans. Et donc, ils ont tout de suite commencé à travailler à partir de rien. Ils n'avaient pas de diplôme. Et donc, ils se sont bâtis, en fait, par eux-mêmes. Et ils m'ont toujours dit, tu réussiras par le travail, tu réussiras par l'école. Et c'est surtout mon père, en fait, qui m'a beaucoup poussée parce qu'il a vraiment souffert. Il a été maçon depuis ses 13 ans. Voilà, et ça lui a esquinté la santé. Il m'a toujours poussée à donner le meilleur de moi-même. Et donc, depuis toute petite, je suis la première de la classe, je travaille énormément, je suis très scolaire. Et oui. Et donc, j'avais vraiment envie de prouver à mes parents, de les rendre fiers, et de me prouver à moi-même que je pouvais le faire, et que je pouvais passer justement de la banlieue à Paris, sans forcément me travestir ou me dépersonnaliser, en restant moi-même. Donc voilà. Et alors, est-ce que tu te souviens, Pauline, de tes premiers pas ici, à Sciences Po, ce que tu as découvert? Est-ce qu'il y avait un décalage entre ton lycée de Drancy et arriver ici? Est-ce que tu te souviens de tes premiers pas? Oui, je me souviens. J'étais un peu perdue. Je ne savais pas si je pouvais m'adapter. Après, par exemple, il y a une question qu'on nous pose souvent quand on arrive, c'est quel concours tu as passé? Bon, déjà, ça donne le ton. Et donc, moi, je dis, j'ai passé le concours CEP, voilà, sans fierté ni rien, enfin, normal, quoi. Je dis, ah, d'accord, bon, d'accord. Et toi? J'ai passé le concours de Paris, ouais, d'accord. Bon, donc, on nous pose souvent cette question. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes, apprises, et qui te mettent peut-être en décalage avec la famille, avec tes parents? Déjà, je me suis beaucoup plus politisée, on va dire. Je m'énerve parfois, enfin, ça crée beaucoup de tensions entre mon père et moi, mais bon, Puis ensuite, au niveau des manières. Donc, c'est-à-dire que mes parents ont l'habitude de couper leur salade. Moi, j'ai appris ici qu'il ne fallait pas couper sa salade. Donc, je me suis dit, papa, on ne coupe pas la salade. Et même à mon frère et à ma mère. Et puis aussi, ici, j'essaye de dire le moins de gros mots possible parce que j'ai pas envie qu'on me colle l'étiquette de banlieusarde. Voilà. Donc, j'essaye de dire, voilà, d'être moins vulgaire. Même si, en fait, en banlieue, je change de jargon, en fait, lorsque je viens à Paris et lorsque je vais en banlieue. Après, c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise en banlieue. Ici, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps dire des choses intelligentes, qu'il ne faut pas se tromper de mots, il ne faut pas se tromper de vocabulaire. Quand je suis interrogée en classe, je réfléchis toujours à ce que je vais dire avant de parler. Si on ne conjugue pas bien ces mots ici, c'est terrible, il faut très bien parler français. Par contre, en banlieue, enfin, je peux faire des fautes. Enfin, par exemple, je parle en langage SMS avec mes amis de banlieue, mais c'est vrai que je fais une différence entre les deux. Voilà quoi. Et toi, par rapport à tes camarades de Drancy, qui sont du lycée de Drancy, là, de Jeanne de la Croix, toi, tu as passé la frontière. Eux, ils sont en train de le faire. Mais toi, est-ce que tu as l'impression d'avoir passé une frontière sociale ? Je pense avoir passé une frontière sociale parce que je suis plus la Pauline non plus du lycée, parce que je pense avoir pris conscience aussi de beaucoup de choses. Après, je pense dans ma tête, je me considère pas comme faisant partie en fait d'une autre classe sociale. Voilà. J'aime pas qu'on me dise bon bah voilà, on me l'a pas dit encore. t'es plus comme nous. J'ai envie en fait de rester la Pauline qui faisait partie voilà de cet environnement justement dans cette atmosphère de banlieue parce que je me sens mieux en fait là-bas. Je me sens mieux en banlieue. Je me sens mieux avec ma famille. Je me sens mieux avec mes amis de banlieue. J'ai pas envie de renier tout ça. Voilà, j'ai envie de faire partie des deux. Je vois pas une incompatibilité en fait. Voilà. Donc je suis entre les deux. Dans votre façon de parler, en fait, ils vont avoir énormément d'informations. Le jury a des attentes, c'est une convention qui est passée entre Sciences Po et des établissements de zones d'éducation prioritaire. Il y a une certaine tolérance dans cet examen pour des pratiques langagières qui vont être marquées par les façons de faire dans les quartiers. Et donc, en fait, dans votre façon de parler, il y a toute votre histoire, c'est comme ça pour tout le monde, il y a toute votre histoire, vous ne pouvez pas la changer. Par contre, c'est peut-être intéressant de savoir ce qu'on entend. Alors, chez Kenza, ta prononciation de « ti » et « tu » et de « di » et « du », mais on comprend très bien et ce n'est pas du tout un problème. C'est simplement qu'on entend et on l'entend plus dans « de » que dans « te ». Quand tu dis « jir », diplôme, acquérir des diplômes, on l'entend plus que sur « t ». Donc, les gens avec qui vous allez parler ne prononcent pas comme ça. Et donc, ils vont l'entendre, c'est pas grave. Juste, c'est intéressant de le savoir. Ça fait partie un peu des personnages qui viennent de loin, des quartiers qu'ils ne connaissent pas. Et ça fait partie un peu de votre image. Et donc, du coup, vous allez jongler avec cette image que vous donnez de vous. Par contre, par exemple, si tu rajoutes des nœuds de négation, juste le nœud de négation, tu ne l'as jamais prononcé. Alors, le nœud de négation, c'est quelque chose qui, en français, oral est facultatif. Donc, si de temps en temps, tu te souviens et tu dis « on ne peut pas savoir » plutôt que « on ne peut pas savoir », immédiatement, ça donne un effet de parole plus maîtrisé, plus soigné. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je vais vous montrer le rendement, cérémonie 2017. Regardez, ça a été filmé. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est mes élèves qui sont là. Ils ont déposé la gerbe, donc c'est le salut aux morts. C'est votre flash de voilà. Terminale De première, qui est partie d'ailleurs au Gabon avec moi. Vous voyez, Amara qui porte le drapeau. Je trouve ça symbolique ça. En fait, lorsque je me suis renseigné sur le soldat inconnu, j'ai découvert que tous les jours depuis 1923, chaque jour, même sous l'occupation, à 18h30, il y a une cérémonie d'hommage aux soldats inconnus. Et on m'a dit, si vous voulez, vous pouvez amener des élèves et ils vont pouvoir aussi assister à ça. Et donc, on a fait comme le président de la République, c'est-à-dire que 18h30, on dépose une gerbe, il y a la sonnerie aux morts, on chante la Marseillaise et ensuite, on va raviver la flamme avec un élève donc, qui porte le drapeau. Et je trouve ça extrêmement symbolique que ces jeunes Français, ces jeunes dits de banlieue encore une fois, puissent aller là, s'approprier ceci. Et ils sont profondément émus de ce moment. Et voilà, cette France-là qui retrouve la patrie, cette notion de patrie auquel moi je suis très attaché. Et eux aussi, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on me disait « non mais c'est ringard, c'est n'importe quoi ». Mais ils se battent pour porter le drapeau. Quand on était au Mont-Valérien, c'était la même chose. Ils se sont battus pour porter le drapeau au Mont-Valérien. Et donc c'est devenu presque un rituel chaque année. Il y a un moment où on chante la Marseillaise. Donc un élève avec les gants blancs porte le drapeau. On a fait la même chose à Verdun. Je trouve ça important. Et ça, c'est des moments où on vit, j'allais dire, l'éducation civique. On la vit. On n'a pas besoin de la raconter. Celui qui a assisté à ça, qui a révélé la flamme, qui a porté le drapeau, ben, il s'en souvient toute sa vie. Et qui a chanté la Marseillaise. Et qui a chanté la Marseillaise en plus. Et il me la demande chaque fois. Est-ce qu'on peut chanter la Marseillaise ? Ben oui, chanter la Marseillaise. Faut pas avoir honte finalement. Vous leur apprenez ? Alors, je leur donne les paroles. Et puis, ils la savent plus ou moins. Parce que souvent, ils la chantent au stade. Je dis, ben, vous pouvez la chanter là aussi. Tout ce que je peux essayer de faire pour eux, qui leur permettent donc d'avoir une autre vision de l'éducation, sortir du milieu du lycée, parce que la vie, elle est devant soi. Donc il faut aller et puis cueillir tout le temps. Quoi. Voilà. Alors, sur le contenu, alors c'est un oral de personnalité, on cherche à te déstabiliser. Tu es la seule à être perçue comme noire dans le groupe, tu le sais. Ça peut arriver dans les discussions. Donc on appelle ça les assignations identitaires. Et en fonction de ça, ils peuvent te poser des questions ou ils attendent de ta part à prendre des positions sur le racisme, sur ton appartenance ou pas, revendiquer ou pas à une communauté. Tu auras à te positionner par rapport à ça. Ça a été souvent décrit. Hein. Pour les gens qui sont blancs et qui ont des origines qu'on appelle franco-françaises souvent, on considère qu'ils ont tout loisir à avoir des points de vue individuels. Qu'ils ont toute liberté, en fait, à se positionner individuellement. Sur les gens qui appartiennent à des minorités, y compris raciales, mais aussi culturelles, on considère que, quelque part, ils ont aussi le devoir de représenter toute leur communauté. Et ça peut être un piège pour toi. J'ai déjà vu des oraux blancs là-dessus. Par exemple, un élève d'origine marocaine, né en France, on lui a posé des questions sur les voitures brûlées. À l'époque, il y avait des grosses révoltes, c'était en 2005. Et lui, tout de suite, il a dit « mais moi, je suis en désaccord profond avec ça, je suis pas d'accord, c'est des jeunes qui n'avaient aucune revendication ». Et les profs, ils n'ont pas accepté sa réponse. On dit mais tu viens aussi des cités, tu peux avoir aussi des colères, tu peux comprendre qu'il soit au chômage, qu'il soit confronté au contrôle policier, est-ce que ça t'arrive? Puis lui tout de suite il est tombé dans le piège, oui ça m'arrive, je suis contrôlé tout le temps avec mon frère, il a tout de suite parlé de son témoignage et il ne s'est pas senti libre en fait de dire oui mais ça ne me concerne pas directement, on est en train de parler de voitures brûlées. Et de rester sur sa position d'analyste politique extérieur qu'on lui demandait. Et ça, c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber. Tu n'es pas obligé d'avoir une position précise du simple fait que toi-même, tu as des parents qui ont choisi d'immigrer avec toi quand tu étais enfant. Tu comprends ? Merci, Maria. Jomi, de seul coup, le fait qu'elle vous pose cette question, ça vous a un peu choqué ? C'était choquant parce que déjà, on montre, enfin, on m'exclut du groupe, mais on me sort un peu du lot. Mais j'ai senti que c'était émotionnellement que ça a fait monter les larmes aux yeux. Ouais. Ouais, non, mais ça après, c'est quand on parle d'immigration en fait. Parce qu'en fait, par rapport aux autres, quand je fais cet atelier, j'ai eu beaucoup de difficultés. Par exemple, j'ai eu un peu de retard au début parce que, après, c'est ma mère, elle travaille beaucoup le soir. Donc, en fait, au quotidien, je fais toujours plus d'efforts pour m'occuper de mes sœurs, tout ça. Donc, ça me touche un peu parce que c'est un peu ma vie. Et surtout, c'est pas grave si je parle de ma vie. Par exemple, là, ça fait, depuis que je suis là, on allait d'hôtel en hôtel. Depuis que je suis en France. Ah oui. Et en fait, maintenant, on a eu un appartement. Du coup, maintenant que j'ai un appartement, enfin, on a un appartement, enfin, je me sens un peu plus libre parce que j'aurai davantage plus de moyens de travail. Enfin, j'avais pas ma chambre toute seule. C'était difficile de réviser. Mais maintenant, je sais que je pourrais le faire sans problème, en fait. Si je pleure, c'est juste la joie, en fait. C'est juste la joie, c'est pas que je me plains de ma situation, c'est très bien. Et d'ailleurs, ça m'a rendue plus forte. Juste que je suis une personne qui aime pas trop parler de ça. Et quand j'en parle, bah, c'est normal, mais à un moment donné, ça ira beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je sais même pas comment j'ai fait pour être admissible, parce que la veille, j'avais tout perdu, je voulais abandonner. Et j'ai même moi-même été surprise parce que je pensais pas qu'à l'oral j'allais parler plus de 20 minutes. Ils ont même dû m'arrêter. Et franchement, sur le coup, je donnais ce que je pouvais. Et comme j'ai dit à Madame Alexis, pour les autres, peut-être que c'est bien qu'ils ont été, enfin, ils ont été contents d'être admissibles. Mais moi, c'est carrément une fierté parce que quand tu fais le double des efforts des autres, enfin, que les autres, la réussite n'en est que plus grande, en fait. Et pourquoi est-ce que vous voulez faire Sciences Po, Jumi? Ah, parce que je veux, pour moi, la meilleure formation possible. Et d'un autre côté, il y a aussi la barrière sociale. Montrer que c'est pas parce que je suis pas purement française que je peux pas intégrer cette grande école française, justement. Et apporter de ma double culture. Enfin, on peut plus me donner que moi je peux donner, mais... Franchement, je suis ambitieuse et je pense que si on me donne cette chance, je pourrais aller jusqu'au bout de mes ambitions. Et vos parents, comment ils ont pris le fait que vous présentiez à ce concours ? Eh bien, ma mère, elle ne connaît même pas Sciences Po. Enfin, au début, pour elle, c'était un atelier quelconque. Pour elle, elle a commencé à avoir un peu plus clair quand ses amis ont commencé à dire que c'était bien, donc elle a commencé à plus me soutenir. Par exemple, le mardi, elle rentrait plus tôt, elle faisait à manger, parce que le mardi, après l'atelier, je suis complètement fatiguée. Elle rentre super tard des fois. Des fois, elle fait tout pour être là. Mais franchement, moi, j'ai toujours aimé l'aider, aider mes sœurs. Donc, en terminale, j'ai tout donné. Parce que je savais que pour Sciences Po, il fallait un bon nombre de résultats. Donc oui, certes, c'est dur, mais je l'ai fait quand même. Ouais. Portez sur Jean-Pierre Aurillard, votre professeur. En fait, c'est comme un mentor, parce qu'il nous aide vraiment pour tout et partout. Son objectif, déjà, c'est de nous faire comprendre qu'il y a une vie en dehors de Saint-Denis, parce que c'est vrai qu'on est enfermé ici, on est encloîtré ici, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'on nous oublie beaucoup en France. Mais après, on va pas se lamenter sur notre sort, voilà. Donc, faut aussi se mélanger. Et franchement, la première année, j'ai lutté pour arriver à me mélanger, parce que j'ai pas eu l'habitude. J'ai compris en fait que le problème, ça venait pas forcément de eux ni de moi, mais surtout en fait de mon environnement et de mon habitat en fait. J'ai changé aussi mon mode de vie, mes amis et mon mode de pensée, et j'ai compris en fait que je devais m'en sortir comme ça. Moi je dirais que c'est un héros, on peut dire. C'est un héros de la vie civile. Moi je le désignerais comme ça parce qu'en fait, c'est quand on est dans sa classe, c'est comme gagner au loto. Et puis il est toujours bienveillant. On nous a toujours aidés. Par exemple, nous, cette année, il y en a beaucoup qui veulent faire des BTS en alternance. Et ben, ils nous aident à trouver des entreprises. Moi, personnellement, quand j'ai besoin de quelque chose, je sais vers qui me tourner, en fait. Il sait qu'il va pas nous laisser comme ça. Il va dire, viens, tiens, je te donne ça. Après, c'est à nous de nous vendre, c'est à nous de faire. Voilà. Mais c'est lui qui nous met en relation. Et ça, je pense que vous pouvez demander à tous les anciens élèves. Il y en a pas un qui va vous dire le contraire. Considérez que vous êtes un passeur d'un milieu à un autre, que vous-même vous avez connu cet entre-deux, entre deux classes sociales. Oui, je pense. Je me revendique ça. Professeur, oui, mais passeur, oui. J'essaie de leur transmettre pour que, d'abord, ils aient, ce que je n'ai pas eu moi quand j'étais jeune, des fois un référent aussi, pour, à qui on puisse discuter. Ils savent que je suis disponible. Moi, ce que j'essaie, c'est de leur dire, voilà, ayez confiance en vous, moi, j'ai confiance en vous. Et puis, voilà, et puis je suis fier de vous, de toute façon. Et je pense que la société française, elle est généreuse aussi, mais elle a un chemin à faire. Un chemin à faire pour regarder sa jeunesse, Je pense qu'il y a une crispation sur l'appartenance sociale et maintenant, hélas, sur cette appartenance donc, ou religieuse ou enfin, je sais pas comment on appelle ça, ethnique, en fait, une forme de rabougrissement en disant voilà, tu n'es pas français parce que tu n'es pas blanc. Ça n'a pas de sens. Hein. Mais je crois qu'il y a, il y a un danger là-dessus. Il y a un danger là-dessus qui est dû à une peur et à une méconnaissance. C'est la jeunesse de France. Donc il ne faut pas avoir peur d'elle. Parce que voilà, elle ne demande qu'à réussir. Ça, je le dis à mes élèves, il n'y a pas de honte d'être en banlieue. Moi, je leur dis souvent, vos parents ou vos grands-parents ont eu l'énergie folle de quitter un pays qu'ils aimaient, certainement, pour aller dans un pays souvent qui ne les a pas aimés, hein, ou qui les a un petit peu regardés de haut. Eh bien, il faut que vous soyez à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Vous avez une énergie, vous avez hérité de vos parents, comme moi, j'ai l'énergie que j'ai héritée de mes parents. Et il faut que cette énergie, elle vous projette vers l'avant, tout le temps. Voilà. Dans la cour du 13 rue de l'université. C'est le jour des oraux de Sciences Po pour nos élèves du lycée de Rancy, Eugène Delacroix. Et on les attend, il y a une ambiance un peu de tension absolue. Et on attend Djoumi qui est en train de passer, donc on va l'accueillir à la sortie de l'oral. Bah, déjà, je suis déjà contente de m'enlever ce poids. Tu vois alors ? Il y avait beaucoup de stress, mais bon, j'ai réussi à gérer. J'ai essayé de m'exprimer le plus clairement possible, de regarder dans les yeux, de ne pas avoir peur de répondre. Donc je pense que ça va. Après, j'ai été un peu confuse. Enfin, vous voyez, sous le coup du stress, je savais pas trop. Les questions étaient très déstabilisantes. J'ai essayé de faire le lien avec tout ce que je savais. Pour moi, j'ai vraiment beaucoup donné à cet oral. Chaque question, en tout cas, je suis pas restée sans répondre. Vraiment, à chaque fois, quand je pouvais parler, je peux pas rien dire, en fait. Je me suis dit, si j'ai fait tout ça, je peux pas rien dire. Et du coup, j'ai essayé d'aller plus loin. J'ai dit que moi, ce qui m'intéressait, c'était la question sociale. On m'a demandé pourquoi. J'ai parlé des migrants. Ils m'ont demandé en quoi les migrants, c'était juste une question sociale. J'ai dit non, c'est aussi une question politique et économique parce que, enfin, la crise, les coûts de cette crise, tout ça. Après, ils m'ont posé des questions sur le journalisme. J'ai dit que je voulais être reporter parce que c'est se déplacer, capter l'information, la rapporter. T'es venue toute seule ce matin ? Quelqu'un t'a accompagnée ? Ah non, je suis venue toute seule. D'ailleurs, j'ai galéré sur la route. J'ai marché pendant longtemps. Les trains, ils ont tous voulu se stopper. J'ai l'impression que tout voulait que... Enfin, que cet oral n'allait pas se passer. Mais au final, j'ai pris sur moi. J'ai essayé de me dépêcher. Voilà. Je suis contente. J'ai l'impression qu'il y a un poids qui est passé. Après, il y a encore le stress de savoir si je suis admise ou pas. Mais je vais me concentrer sur mon bac quand même parce que c'est aussi une priorité. Wasted again, lost in this world at no end. Clean eyes and soul, you said I want this to be home. Girls are walking down with me to go back now, swallows everything and now. There's something pushing inside of me. The first fire will like everything. My legs are so heavy, my hands are stiff. But now the warmth is running inside of me. Merci à Fabrice Morel, à Anne-Lise Alexis, Yazid Boisa, Philippe Douvou, Maria Candéa, Kenza Amoura, Djoumi Samba, à Wissam, Lamia et Delphine, les élèves de la prépa Sciences Po du lycée Eugène Delacroix de Drancy. Merci à Pauline Rouffort, à Jean-Pierre Aurière et à l'association Au bout de la route et aux élèves du lycée Paul-Éloire de Saint-Denis. Et merci au cinéma Les Écrans de Saint-Denis. Prise de son, Michel Gassic, Laurent Lucas, Yves Lehorse. Entrée dans l'élite ou comment passer les frontières sociales. Un documentaire de Leïla Djitli, réalisé par Vincent Deck. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast avant l'inscription à la fac, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Bona Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, quatrième épisode, quand les transclasses sortent du bois. Tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique.